cours numéro 9. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Intahayna wa lillahi alhamd. Min al-asl al-awwal min hadhihi al-usul al-thalatha allati dhakaraha fi hadhihi ar-risala an-nafi'a Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab at-Tamimi rahmatullah alayhi. فما هو الأصل الأول؟ معرفة الله عز وجل. وذكر أمرين، أي لمعرفة الله سبحانه وتعالى، أي بأمرين تعرف الله عز وجل. بماذا؟ بآياته ومخلوقاته. فالله سبحانه وتعالى هو الرب، فنوحده في الربوبية، أي في أفعاله سبحانه وتعالى والإحياء والإماتة والتدبير والخلق توسع نوحد الله سبحانه وتعالى أي الله il est capable de toutes choses. C'est lui qui nous a créé, c'est lui qui nous a guidé, c'est lui qui nous a donné. وهذا التوحيد تقدم معنا أنه لا يكفي pour être مسلم لأن كفار قريش le reconnaissaient ومع هذا c'était pas des مسلمون فلا بد من ماذا نعم لا بد من توحيد العبادة لا بد من توحيد الألوهية أي توحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة. C'est pour ça que le Cheikh al-Islam il a cité toutes ces عبادات à la fin du أصل pour te montrer أن هذه العبادات وغيرها لا يجوز صرفها لغير الله. فمن صرف منها شيئا لغير الله ماذا قال Cheikh al-Islam فقد فهو مشرك كافر. فهذا هو الأصل الأول. C'est ça qu'on doit retenir. أن الله سبحانه وتعالى c'est الرب. Et الرب c'est celui qui donne la vie, qui donne la mort, qui crée, qui gère سبحانه وتعالى. فنوحده في ذلك. هذا التوحيد الربوبية ça implique ماذا؟ Ça implique ماذا توحيد الربوبية؟ توحيد الألوهية. ما الدليل؟ أحسنت يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Donc الأصل الأول c'est هذا. Si t'as retenu هذا ولله الحمد avec الأدلة فت'as compris هذا الأصل العظيم. Donc معرفة الله عز وجل c'est une conviction, إيمان عقيدة. Et كذلك cette conviction, cette عقيدة ça doit impliquer des أعمال. Adorer الله سبحانه وتعالى seul. كذلك il y a une chose qui annule tout ça, فالمسلم يحذر, c'est الشرك. ما الدليل que الشرك annule tout ça? قوله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك. Donc le muslim يحقق cette عقيدة أن الله سبحانه وتعالى c'est الرب وهذا والله الحمد معروف عند المسلمين وعند غير المسلمين. كذلك يحقق أن الله سبحانه وتعالى c'est المستحق للعبادة. Et ça c'est تحقيق الشهادة قولنا لا إله إلا الله. C'est exactement هذا أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui mérite الألوهية أي العبادة ثم appliquer adorer الله سبحانه وتعالى seul et éviter الشرك. كذلك tout ça, toute cette adoration c'est comme le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a démontré, أي reconnaître que c'est le رسول, l'aimer et le suivre. Et toutes ces choses, c'est l'islam. C'est ça l'islam. At-tawhid, adorer Allah seul et suivre le prophète alayhi salam. C'est ça, dit-nous l'islam. Et c'est ça qu'on va voir l'an. Bi-idhnillah, dans ce dars, al-aslu al-thani. Qala Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, al-aslu al-thani. Ma'rifatu dini l'islam bil-adilla. Wa huwa al-istislamu lillahi bil-tawhid. والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاثة مراتب. Et il a cité les مراتب الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. Donc الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. C'est quoi دين الإسلام? Et ça c'est un أصل important. لأن خاصة dans notre époque هذه أن الأعداء ils ont sali l'image de l'islam. فلهذا بعض الناس الآن ils ont une image de l'islam ils ont une conception de ce dîn, c'est pas dîn ar-rusul, c'est pas le dîn qui est cité dans le Coran, c'est pas dîn Allah. يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. Donc celui qui veut comprendre l'islam, حقيقة الإسلام, l'islam authentique, il revient aux preuves, il revient aux sources. لأن chaque chose elle a une source. Tu veux connaître مثلاً le domaine de la médecine, tu dois revenir aux sources de la médecine. Si tu veux apprendre, tu veux apprendre la mécanique, tu dois revenir aux sources. Chez des personnes compétentes et t'étudies les fondements de ce ilm. Enfin, c'est l'islam. L'islam, ce n'est pas une culture. L'islam, ce n'est pas une origine. L'islam, ce n'est pas une étiquette. L'islam, c'est une aqida et c'est une sharia. C'est pour ça que Cheikh l'islam a dit « Ma'rifatu din l'islam bil adillah ». Pas comme il l'a compris Foulan ou Allah. Encore moins comme ils l'ont compris les kuffars. Encore moins comme ils essayent de le propager à les kuffars. Al-Kuffar, ils détestent din l'islam. Et ils le détesteront toujours tant qu'ils sont à l'al-Kuffar. Donc, ce n'est pas cette personne qui déteste had din qui va te montrer ce din. Donc, l'islam, pour le comprendre, on revient au adilla. Adilla tel kitab et au sunnah. Et les preuves du Coran et de la sunnah, comme on va détailler dans le shah, incha'Allah ta'ala, ces preuves, si tu les étudies, tu comprendras que l'islam, comme a dit le Cheikh l'islam, tu verras que l'islam, c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala bit-tawhid. Et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est ça l'islam. Fala tushrik bihi shay'an, la malak muqarrab, wala nabi mursal, wala wali, wala sayyid, wala ahad. C'est ça l'islam. Ce islam, sa base, son fondement principal, c'est Tawhid. Comme on a vu dans le premier asl. Reconnaître que Allah, c'est le créateur de l'Europe et l'adorer, sans lui associer. C'est ça l'islam. قال والانقياد له بالطاعة كذلك lui obéir سبحانه وتعالى لأن ce din Allah سبحانه وتعالى il a interdit des choses, il a autorisé des choses, il a recommandé certaines choses. Enfin, ce din il est fondé sur hada al-inqiyad lahu bit-ta'a. Donc si tu veux faire des progrès dans ce din et si tu veux comprendre ce din, tu dois savoir que celui qui ordonne, qui interdit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الآن on a un problème dans cette époque où on vit, il y a كثير من الناس qui comprennent pas l'islam, ils ne reviennent pas aux sources et ils prennent ce din des ignorants ou des ennemis de l'islam. Et tu trouves, pardon, c'est des menteurs, ils disent les musulmans ils interdisent telle chose ou ils autorisent telle chose ou c'est des barbares ou c'est des terroristes. Tout ce qu'elle a, il reviendra aux preuves, il saurait c'est quoi al-mawqif al-sahih. Qu'est-ce que l'islam il nous dit dans telle chose? Ah, mais là, tu trouves certaines choses, ils disent c'est halal. Un autre, il vient, il dit c'est halal, haram. Un autre, il dit c'est une sunna. Un autre, il dit c'est une bid'a. Un autre, il dit c'est du shirk. Un autre, il dit c'est pas du shirk. Si tu reviens pour preuve, tu n'arrives plus à comprendre. Et c'est ce qui se passe là. Et hadaf al-haqiqa, c'est maqsoud. Min al-a'da. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Ils ne cesseront de vous combattre votre dîn, jusqu'à ce que tu délaisses. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Enfin, le musulman, il est muharab. Il est muharab min a'da'illah. Min al-shayatin. Shayatin al-jinn wal-ins. فَلْيَحْذَرْ. Donc, pour comprendre cette ni'ma, لِأَنَّ هَذَا الدِّينَ c'est une ni'ma. كما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Cette religion elle est parfaite, il n'y a rien à rajouter. Din ou l'islam, tu reviens aux sources si tu veux comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le même verset il a montré que c'était une ni'ma. Enfin, prends soin de cette ni'ma akhil karim. Donc apprends c'est quoi l'islam. L'islam c'est pas comme certains pensent, avoir un prénom musulman, d'être d'origine de tel pays, faire siyam ramadan, manger du halal, et c'est ça l'islam. C'est pas ça l'islam. Ça, ces choses, n'aim, ça fait partie de l'islam. Maintenant, ramadan, c'est min al-inqiyad bit-ta'a. Al-inqiyad bit-ta'a, ça veut dire, tu te soumets

qui est accroché au texte, il ne se contredit pas. On ne dit pas comme certains pour faire plaisir aux kuffar, l'islam de France, on est libre, la démocratie. Non, on va se contredire après. Si on dit ça, après on dit, mais l'alcool c'est haram. Manger du porc c'est haram. Faire du shirk c'est haram. Beaucoup de choses c'est haram. Ils vont dire, mais vous n'êtes pas tolérants. Même, aslan, nous on n'a pas dit qu'on était tolérants dans tout. Là, on a dit on suit al-kitab ou al-sunnah. Ce qui est légiféré halal dans le kitab ou al-sunnah, Alhamd, on est tolérant. Ce qui est haram, c'est haram. Amma, ceux qui essayent de faire plaisir aux kuffars, ils n'arrivent plus. Un jour, il dit, les musulmans, tout le monde, il dit, la liberté, la tolérance, l'islam de France, tout le monde, il se contredit. Falihad, les kuffars, ils ne sont pas satisfaits de lui, parce qu'il reste un peu de islam en lui. Si ça reste un musulman, bien sûr. Et les musulmans, ils ne sont pas satisfaits de lui. Il dit, annahu, c'est un égaré. Et il contredit les textes. فلا إله إلا هو ولا إله إلا هو والعياذ بالله أما نحن لا choisis حزب الله فحزب الله هم المفلحون والله الكافر il peut rien te prendre, il peut rien t'enlever, il peut rien te donner إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Ça c'est important, tout ça pour montrer que ce أصل معرفة دين الإسلام c'est بالأدلة. Si Cheikh l'Islam se trompe dans une chose, on ne le suivra pas. On n'a pas le droit. لأن الدين الإسلام c'est بالأدلة. نعم. Avec nos savants, on n'a pas le droit de faire du taqlid. Les savants de l'islam. On regarde leur aqwal. Si elles sont fondées sur ces adillas qu'ils nous ont montrées, on prend. Si il y a une erreur, un ijtihad, et si c'est un savant de l'islam, il a des excuses. Bel, il est récompensé. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال, l'erreur, on ne la prend pas. Enfin, que dire de Al-A'da, A'da'ullah, on va prendre leur aqwal. Dans ce din, que dire Al-Juhal, Jahil, ils l'ont emmené de je ne sais où et ils parlent au nom de l'islam. Là, n'aie pas peur de contredire Al-Mubtili. Ben, tu dois les contredire. Les anna al-haq wahid. Haq, il est un. Et dans notre sujet, l'asl al-thani, Al-Islam, c'est l'istislam lillah bit-tawhid. On a cette aqida, celui qui unifie pas Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qui sont réservées à Allah subhanahu wa ta'ala, al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma wa sifat, hada, il a contredit son tawhid et il est à la khatar. Al-inqiyad lahu bit-ta'a, kadhalik, al-ta'a c'est lillah. C'est pas pour un autre. Tastafid min hada, anna si Allah il a interdit aux femmes de se découvrir, de ne pas porter al-hijab al-shar'i, un autre il vient et nous dit là, la liberté, l'égalité, pourquoi la femme porte le hijab? C'est de la barbarie. On va obéir à qui? Al-inqiyad lahu bit-ta'a. Ta'atullah, elle passe avant. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala shara'a al-hijab al-shar'i pour la femme, pour son bien. Et médite sur l'état des femmes qui ne portent pas le hijab, khasatan fi bilad al-kufr, ala dhul. Ils lui manquent de respect et ils la prennent comme un objet. Fa nahnu. On sait que al-baraka li fi at-ta'a, et on sait que le khayr li fi at-ta'a, et on sait que les clés de l'jannah c'est at-ta'a bi idnillah azza wa jalla. Hada, ça c'est important. Qala wal bara'atu min ash-shirk wa ahlihi kadhalik. Ça montre qu'il y a des personnes que tu dois aimer et tes frères qui appliquent ce islam, ay al-muwahhidun, ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans. Et il y a des personnes que tu dois détester et te désavouer d'eux. Al-bara'atu min ash-shirk wa ahlih. C'est ça l'islam. Amma al-an, la conception de certains, là, tu dois détester personne. Ma'a annahu huwa, il te déteste. Hakada al-a'da. Il te fait croire que toi, tu ne dois pas détester la tolérance, il faut s'aimer, etc. Thumma yat'an. Et il déteste la personne qui représente l'islam, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et il te déteste ant kadhalik. Allah, le kafir, il déteste le mu'min, ça c'est wadih. Même s'ils essayent de le cacher, ils ont du nifaq, là, c'est wadih. Enfin, pourquoi, nous, on les détestera pas, ou détesterait pas, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné, hada. Enfin, c'est ça, dit-nous l'islam. Prends ton islam, min al-Qur'an. Prends l'islam comme ils l'ont compris à l'époque de sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala, lamma qal, on a cité le verset, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum. Ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. On se pose la question, est-ce que l'islam il était appliqué? Na'am, on n'a aucun doute.

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره. Ce طريق il faut s'accrocher في الدنيا. Il y a des épreuves, شدة, des difficultés. لكن si tu patientes, t'arriveras à ton but et Allah il est satisfait de toi et t'as réussi. Ou le chemin de هؤلاء الأعداء الضلال الزنادقة qui essayent de nous écarter de دين الحق. Pourquoi يوم القيامة tu seras tout seul. Wallahi, ils te seront d'aucune utilité. Iblis, imamuhum, imam al-shar, yawm al-qiyamah yatabarra, il se désavouera de ses suiveurs. Iblis, le premier, leur tête, il se désavouera d'eux. Il n'y a rien à gagner fil kufr. Il n'y a rien à gagner fil dhalal. Al-fawz, c'est fi ta'atillah wa fi ta'at rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasoul. Et dans l'autre verset, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Si tu veux le fawz, apprends ce asl al-azim, ma'rifatu din al-islam, avec l'épreuve, et incha'Allah tu seras na'ala khayr. Qala Sheikh Abdel Aziz bin Baz, rahmatullah alayhi, هَذَا هُوَ الْأَصْلُ الثَّانِ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ وهو ثلاث مراتب بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. Ce din, l'islam, il est fondé sur trois niveaux, trois degrés. En arabe, maratib, le singulier martaba, comme des niveaux. قال فأولها الإسلام. Et Cheikh l'islam, dans l'usul al-thalath, il a cité, ou il va citer les trois. Il va citer les trois maratib, l'islam, après il va expliquer l'iman, et après il va expliquer l'ihsan. قال فأولها الإسلام وهو الإخلاص لله وحده يعني الاستسلام لله بالعبادة. C'est ça, دين الإسلام, et c'est ça, la compréhension de الشهادة. لأن دين الإسلام, le premier pilier, et la base de l'islam, c'est الشهادة. الشهادة, أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. L'explication de shahada la ilaha illallah, c'est al-ikhlas lillah. T'adores Allah subhanahu wa ta'ala seul. Qala wa takhsisuhu biha duna kulli man suwa. Et s'écarter du shirk. Limada? Li'anna shirk il annule al-ikhlas. Comme al-hadath il annule al-tahara. Al-wudu, tu peux avoir fait al-wudu, t'es à la tahara et tu l'annules. Avec une annulation ou un annulatif parmi les annulatifs de tahara. Fahakada al-islam wal-ikhlas. C'est pour ça que l'ulama, on va voir des adillah, min al-Qur'an, min al-Sunnah, an Allah subhanahu wa ta'ala yamur bil-ibada et il met en garde contre shirk wal-kufr. Lianna cette ibada elle peut être annulée. Qala wa takhsisuhu biha duna kulli man siwah wal-bara'atu min al-shirk wa ahlih. Tu dois te désavouer du shirk et كذلك أهل الشرك. Pas du shirk فقط et du kufr فقط. Là, tu te désavoues de ce mal, le shirk, associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ibadah et كذلك tu te désavoues des mushrikis et ceux qui font du shirk. قال فإذا فعل ذلك فقد أسلم يعني انقاد وذل وخضع لله وحده بالعبادة دون كل ما سواه. C'est ça l'islam al-haq. Aimer ses frères, détester les ennemis de l'islam, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et s'écarter du shirk. Ça montre l'importance du tawhid et l'importance de al-wala wal-bara. Et tout ça c'est des fondements de notre din. Le musulman, il doit donner du temps à ses fondements hatta il comprend l'islam ala wajhihi al-haqiqi. Qala ta'ala faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Et c'est ça le dalil. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala, avant de citer al-urwa al-wuthqa, ay al-islam at-tawhid shahadatu an la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala il a démontré qu'il faut mécroire au ta'out, il faut délaisser le shirk. Qala Cheikh Abdel Aziz wal kufr bit ta'out ma'na al bara'atu min al shirk wa ahlihi. N'am, tatabarra, et tu détestes et tu t'éloignes du shirk et de ceux qui font du shirk, al-mushrikoun. قال وانكر وانكار ذلك واعتقاد بطلانه اي انكار الشرك واعتقاد بطلانه نعم فنحن on a la conviction ان toutes les autres religions autres que l'islam c'est باطل on n'a pas le droit في هذا الحال d'être tolérant ou de croire que toutes les religions elles sont au même niveau ce qu'ils appellent l'égalité او والعياذ بالله la fraternité ces fondements là auxquels ils appellent le kuffar ils contredisent nos fondements. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fama yakfur bil ta'ghut. Eux ils disent la fraternité, on est tous des frères. Là ça se contredit là. Et nous on est des musulmans, on se prétend musulmans et on sait que c'est pas une étiquette. Bal hadha al-islam, la définition l'islam la bi tawhid wal inqiyad lahu bil ta'a. Donc je dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il m'a ordonné de an akfur bil ta'ghut. En tant que musulman, je dois kfur bil ta'ghut et je dis an al-yahoudiyya et la religion juive, ou al-Nasraniya, la religion chrétienne, c'est batil. Et le bouddhisme, c'est batil. Et ibadat al-qubur, ceux qui adorent les tombes, c'est batil. Ceux qui adorent le soleil, c'est batil. Tout ça, c'est batil. Et tout ça, ça contredit l'islam. Amma, se dire musulman, thumma, dire, on est tous des frères. Je ne peux pas dire qu'un tel, c'est un kafir. Je ne peux pas dire qu'il est dans le faux. Je respecte sa religion. Tu respectes sa religion, lakin tu ne respectes pas ton dîn. C'est ça le musiba. Tu essaies de satisfaire ce makhlouk da'if qui ne sera jamais satisfait tant que tu ne seras pas comme lui. Et même si tu es comme lui, comme a dit Azzawajal, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, même entre eux, ils se détestent. Donc tu n'arriveras jamais. Ya akhi, satisfait Rabbak Azzawajal. Si Allah il est satisfait de toi, tu as tout gagné. قال واعتقاد بطلانه أي الشرك والطاغوت وهناك مرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان وكلها داخلة في دين الإسلام الدين الذي شرعه الله لعباده وأرسله وأرسل به الرسل جميعا ومرتبة الإسلام تشمل الأعمال الظاهرة نعم إسا إذا يدتعي dans le deuxième point. Donc ma'rifatu din l'islam, il a cité trois degrés: l'islam, l'iman, l'ihsan. Al-an, il va expliquer le premier, la première martaba, l'islam. Qala shaykh l'islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahmatullah alayhi fi al-matn al-islamu qala wa huwa thalath maratib al-islamu wal-iman wal-ihsan وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة chaque مرتبة on va plus dire niveau degré نحن لا à partir de maintenant on dit مرتبة المراتب الثلاثة الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان والمرتبة الأولى الإسلام فشاك مرتبة على دي أركان دي بيليه قال فأركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره قال الشيخ عبد العزيز في الشرح رحمه الله وأركانه خمسة أي الإسلام الإسلام c'est مراتب الثلاث quand ils sont cités ensemble الإسلام والإيمان والإحسان المراد بالإسلام c'est les œuvres apparentes quand ils sont cités les trois أما quand l'islam il est cité tout seul Inna dina indallahi l'islam, ça englobe toute la religion. Ça englobe l'aqidah, ça englobe les paroles, ça englobe les œuvres. Lakin, quand ils sont cités ensemble, comme c'est cité ici, al-murad bil-islam, c'est les œuvres apparentes. Et l'arkan al-khams. Et al-murad bil-arkan bil-iman, c'est l'iman billah wa malaikatihi wa kutubihi, etc. Qala shaykh ibn Baz wa arkan hu khamsa. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت Et tout ça, on l'avait expliqué en détail, ma ikhwanina, dans des dourous précédents.